salut, je me présente, je suis Jean-Rémy. Je parle au nom de la jeunesse parce qu'il y en a marre qu'on nous dise qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Moi je suis un rebelle, tu vois. Je vais en teuf tous les week-ends. Je prends plein de produits justement parce que je suis un jeune, tu vois, que j'aime bien me défoncer la tête, que je suis pas très très pour que la loi me dise qu'est-ce que je dois faire, tu vois. Et sinon, je fais des manifs contre le Front National, je milite pour la jeunesse libre. Je suis un petit peu un Rastafari dans l'âme, tu vois, même si je suis habillé en paramilitaire. Ah bah sinon, moi je fais une école de commerce et je veux devenir banquier international. Pourquoi ? Ça te pose un problème ?